Cette maudite créature vient tout droit de l'enfer. Le côté obscur de la force trouble tout. Adolescent sous influence, il fume un peu juste en sortie. Malheureusement, 5 ans après, ne se voit plus en sortir. À l'époque épaté par les grands, fumant la drogue douce. Mais lui aussi voulait cette pomme qu'il croquait tous. Sa première fois fut une nuit de juin. Un pur moment de joie, 5 sur un joint, il découvrit la ganja. Se soucier du danger qu'il attendait déjà. Il plongea tête baissée dans son piège et là, sa vie devint un désastre. Pris en tenaille, dévié de sa route par cette fumée tenace. N'affronte plus mais fuit face au problème de la kiff. S'enfonce à force pour s'effondrer sans force. Il rentre, s'endort, se lève, prend son matos et passe ses devoirs. Et ses profs sont lassés d'entendre toujours les mêmes histoires. Par journée disperse, au d'office ses idées se dispersent. Niveau thunes d'hyper chaud, il fait avec même s'il est dispersé. Pas grand chose, comme les projets qui lui restent en tête. Pas grand chose, c'est ce qu'il fait de sa vie en fait. Navigue sans flotte au milieu de faux potes qui eux s'en foutent s'il accumule les faux. Pas plutôt que les sans faute. C'est l'enfer de la dev, mec, ça y était posé. Des combats seuls et les mondes, car aucun ange ne viendra t'aider. Même si je n'ai sûrement plus rien à t'apprendre, tant que tu peux, vite le diable avant qu'il ne te tente. C'est l'enfer de la dev, mec, ça y était posé. Des combats seuls et les mondes, car aucun ange ne viendra t'aider. Je peux en témoigner, au fil du temps tout s'accélère. Si les cônes des frères crament aussi vite que les conifères. Aujourd'hui c'est mort dans sa tête, les regrets le rongent. Il s'endort tard le soir, perturbé par ses songes. Pleure de honte dans l'ombre. Sans compter le nombre de fois où il se jurait que dès le lendemain il y mettrait fin. Mais faut pas se leurrer, ses efforts se sont tous barrés en moitié tarés. La paranoïa s'en est accaparée, mais c'est pas le seul cas pareil. Beaucoup sont passés par là, et même s'ils gèrent encore une fois, ne s'en séparent pas. Pour ses parents, ce fut le véritable drame quand ils apprirent que leur fils avait quitté Claire pour Marie-Jeanne, devenue solitaire. Tout le monde le perdit de vue, lui se croyait seul sur terre. De son monde ne sortait plus, il s'est renfermé. Fermé dans sa piole, ça put le renfermer. Pas encore formé, pourtant il aurait voulu faire mieux. Retiens bien qu'une fois rentré dans ce cercle vicieux, s'en sortir n'est pas une mince affaire. Bienvenue en enfer, vieux. C'est l'enfer de la def, mec, ça y était posé. Des combats seuls, t'es les mondes, car aucun ange ne viendra t'aider. Même si je n'ai sûrement plus rien à t'apprendre, hein. Tu peux vite le diable avant qu'il ne te tente. C'est l'enfer de la def, mec, ça y était posé. Des combats seuls, t'es les mondes, car aucun ange ne viendra t'aider. Je peux en témoigner, au fil du temps tout s'accélère. Si les cônes des frères crament aussi vite que les conifères. Normal, malgré la consommation de drogue. Encore que j'y pense aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait.